Alors, voilà, nous sommes rendus au moment fatidique, ou plutôt heureux. L'heureux moment. Nous allons enchaîner avec les cinq premières positions, donc de 5 à 1. Et à partir de ce moment-ci, on va faire jouer chacun de nos choix, mesdames. Oui! Oui! Yeah. Position 5. Magique, magique. Donc, en cinquième position, un artiste que j'ai beaucoup, beaucoup écouté en début d'année 2009, et j'avais presque oublié qu'il avait sorti son album en 2009, puisque c'était en janvier. Donc, AC Newman avec son album Get Guilty. AC Newman, qui est le fondateur du groupe The New Pornographers, il avait sorti un album en 2004 en solo, Slow Wonder, que je n'ai jamais écouté. Je l'ai vraiment découvert avec son deuxième album qu'il a sorti en janvier 2009. Un album vraiment, vraiment sympathique. S'il vous arrive d'avoir des journées où vous êtes plus ou moins dedans et vous aimeriez avoir un album pour vous remonter le moral, vous faire sourire, Get Guilty est l'album tout pour vous. La chanson que je vous fais jouer est Heartbreak Rides, qui a quand même un titre de chanson triste, mais qui tourne le tout de manière très joyeuse. Pour moi, c'est une artiste que j'ai découvert en première partie du spectacle de Santigold au mois de juin. C'est Amanda Blank qui a sorti son album I Love You. C'est vraiment une artiste, on pourrait la comparer peut-être un peu à du MIA parce qu'elle collabore avec DJ Diplo. Alors, une rappeuse qui a vraiment du rythme et très dansant aussi, qui a beaucoup de groove. Dans mon top 5, moi, je commence avec Silver Moons de l'album Dragon Slayer. L'artiste, c'est Sunset Rubdown, plutôt. J'écoutais beaucoup Wolf Parade, fait que Sunset Rubdown est une belle suite logique, étant donné que c'est la même gang. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé leur dernier album. De mon côté, encore une fois, formation que tout le monde apprécie ici, Grizzly Bear avec la pièce Ready Able de leur album The Time Mist. Et encore une fois, c'est un album prenant, pour prendre le si bel adjectif de Martine. Et puis, c'est un album que j'écoute en entier. Donc, des fois, on voit aimer un artiste, mais sur 12 pièces, on n'en écoute que 8. Mais vraiment, cet album-là, je suis capable de l'écouter là, de façon intégrale, de la première jusqu'à la dernière pièce. Puis, chaque pièce nous fait vraiment entrer dans une ambiance différente. Puis, moi, m'apporte quelque chose de différent. Puis, les paroles aussi. Donc, en fait, de A à Z, cette formation-là m'a beaucoup accroché. Et cet album-là est venu me chercher davantage que le précédent Yellow House. Est-ce que c'est ça? Yellow Molo? Non. Je regardais Geneviève Dussault, qui connaît bien. C'est Yellow House, Grizzly Bear. En fait, bon, je pense que c'est ça, Yellow House. Si je me trompe, ben, appelez-moi en studio. Je voudrais juste compléter sur le choix de Martine qui a choisi... Sunset Rubdown, qui faisait partie de mon top 5 et de mes coups de cœur, mais je ne l'ai pas indiqué. Spencer Krug, si vous aimez Sunset Rubdown, je vous invite à retourner dans les albums précédents, c'est-à-dire Random Spirit Lover, si on descend un peu plus bas. Je vous invite aussi à aller écouter Shut Up, I Am Dreaming of Places Where Lovers Have Wings, qui est un album très éclaté. Et il y a aussi Snakes Got a Leg, sur lequel on retrouve la chanson, une des chansons qu'il a refait avec Wolf Parade, qui m'échappe. Mais très, très, très bon choix, Silver Moon. Donc, Marie-Ève, je te laisse annoncer le choix qu'on va entendre. Alors, on va entendre Amanda Blanks avec la pièce Mike Like You Better sur C'est Fou FM. Might look like you better if we slept together. Might look like you better if we slept together. Might look like you better if we slept together. Might look like you better if we slept together. I might like you better, baby. Let's get together, baby. Wanna hold you, get to know you, show you what I got in my sweater, baby. Comb the red hair, the bitch in charge. And if we set a lot up, I make you see styles get large, get hard, go far, go far. Wanna touch you, watch you, fuck, and see my money and my I might like you better, baby. Let's get together, baby. Wanna hold you, get to know you, show you what I got in my sweater, baby. Comb the red hair, the bitch in charge. And if we set a lot up, I make you see styles get large, get hard, go far, go far. Wanna touch you, watch you, fuck, and see my money and my ride, no lie, just get inside me. Like you better if you just ride me, club me, try me, watch me finish. I'd like you better if you get up in it. Might look like you better if we slept together. Might look like you better together. Might look like you better if we slept together.

sway around to the cadence of your voice when you sang there. Rides for free, yeah, ho. Quatrième position, en ce qui me concerne, je retourne en France, après Phoenix, je vous présente dans mon top 5, Vitalik, quelque chose de beaucoup plus électro pour danser, l'album Flash Mob de Vitalik sorti en 2009, est vraiment un album dansant, écoutez, très très très fort, sentir la vibration en soi. Je vous dirais que mes coups de cœur de l'album sont définitivement Sea to Sea Red, Poison Lips, c'est la chanson que j'ai choisi de présenter ce soir, One Above One, qui a joué sur en boucle en fait chez moi et sur laquelle j'ai énormément dansé. Ils nous avaient en 2005 sorti OK Cowboy, duquel ils avaient fait un album live qu'ils avaient appelé V Live en 2005, extraordinaire album. Et je vous dis, quand ma chanson jouera, vous montrez le son et vous danserez comme vous le voudrez. Pour ma chanson aussi. Alors, pour ma chanson qui en fait une de Basement Jacks, une collaboration avec Santi Gold, Santi change de nom, Santi maintenant, mais Santi Gold que j'ai vu en spectacle, qui était exceptionnelle, rayonnante, vraiment sympathique, souriante. En plus, elle parlait en français durant tout le long du spectacle. Je sais pas où elle a appris ça, mais elle l'a très bien appris. Alors, c'est la chanson Saga de l'album Scars de Basement Jacks, collaboration avec Santi Gold. Moi, je vais revenir sur le choix de Geneviève. Vitalik, justement, de l'album Hockey Cowboy, qui était le précédent, c'est ça? Oui, le premier album. Le premier album. Si ça vous intéresse d'aller voir, aller écouter la chanson Polkamatic, une chanson un peu qui monte tout le temps, puis qui est un petit peu troublante psychologiquement, mais en tout cas, je la conseille vraiment. Sinon, ma tune à moi pour la chanson pour la position 4, c'est Blue de We Are Wolves de l'album Invisible Violence dont on a parlé déjà. Et puis We Are Wolves, un groupe que j'ai connu v'là quand même très longtemps, je dirais dans les années 2000, que j'avais entendu dans un loft dans le temps qui se faisait connaître par des parties loft. sur Van Horn. Puis c'est un peu flou ce spectacle-là, mais je me rappelle que c'était très éclaté et très dansant. Il se costumait, puis c'était très flyé comme spectacle. De mon côté, merci Martine pour ta position 4. Je voulais pas comme non, y aller. Bon. Donc, formation de Brighton, ou plutôt projet solo de Natasha Khan, Bad for Lashes, avec la pièce Daniel de leur deuxième album Two Sons. Excellent deuxième album qui devait quand même atteindre un aussi haut niveau que le précédent Fur and Gold, qui était aussi un excellent album. Et en tout cas, cette dame-là, comme je l'ai déjà mentionné, je ne veux jamais la comparer à Björk, parce que Björk est inatteignable, là, mais je veux dire, vraiment une femme qui s'implique beaucoup dans la production de ce qu'elle fait, qui est artiste visuelle également. Puis en fait, moi, elle m'impressionne beaucoup, puis c'est un album qui mène à une ambiance planante, puis ça fait ma petite comédie musicale de la journée quand j'écoute ça dans mon iPod. Alors voilà. Mais là, on va vous tenir en suspense parce que oui, on doit aller en pause. Et au retour, on va entendre ces quatre choix, soit Vitalik, Basement Jacks, We Are Wolves et Bad for Lashes sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. C'est fou de musique à découvrir. C'est fou de la scène émergente. Émergent. C'est fou de la musique. C'est fou 89.1. 89. One in the single and the first degree, one above, one for eternity. No unit or triad, source or cause, for the one super oneness is the one above those. One in the single and the first degree, one above, one for eternity. No unit or triad, source or cause, for the one super oneness is the one above those. We'll Yeah. De retour à l'émission Chérie, m'écoutes-tu pour le spécial Active de 2009 en compagnie de Sophie Laforêt, Geneviève Dussault, Marie-Ève Langlois et Martine Goulet. Oui! Êtes-vous toujours là? Oui! C'est donc bien beau. On va enchaîner sans plus tarder avec notre introduction de la prochaine position. Position 3! C'est bon. Oh là! En ce qui me concerne, en troisième position, c'est une amie, ma petite euphorie qui, un soir à la Barberie, à Québec City, le poème finit ici, m'a fait découvrir de XX. C'était beau? Oui, c'est un beau. Hein? Applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, m'a fait découvrir de XX que j'ai écouté tout l'automne. L'album en soi m'a fait vivre une espèce d'expérience onirique, fait dans la pop atmosphérique. Très séduisant comme album. En ce qui me concerne, m'a donné le goût à plusieurs reprises d'expérimenter des plaisirs charnels au son de l'écoute de cet album. Donc, la chanson que j'ai choisie, c'est Basic Space. C'était bien dit, hein? On sait même pas de quoi tu parlais finalement. Non, c'est pas vrai. Puis finalement, juste pour renchérir. Je voulais dire, j'ai partagé à Geneviève le fait que j'ai découvert ce groupe-là il y a à peu près 2-3 semaines. J'ai pas pu l'insérer dans ma rétrospective parce que ça a pas été marquant pour 2009, parce que ça fait pas assez longtemps que je les écoute, mais franchement, là, je suis sûre que ça va marquer mon année 2010, même si j'ai été découvert en 2009. Est-ce qu'en 2020... De quel groupe vous parlez? The XX. Excellente formation. Là, j'aimerais ça qu'on suive, s'il vous plaît. C'est important. OK, Marie-Ève. Pour moi, c'est Girl Talk. Girl Talk, j'ai vu un spectacle qui a été une révélation. J'étais à l'Impérial de Québec cet été au Festival d'été de Québec, le Festival de Geneviève. Auquel spectacle auquel j'ai assisté et dansé sur scène. Alors, on était là tous les deux et on ne le savait même pas. Et voilà. C'était hallucinant. J'ai jamais vu une salle lever autant. Si vous connaissez pas Girl Talk, il fait du mash-up, qu'on peut dire. En fait, c'est de l'échantillonnage de plein de chansons qui ça peut passer de M.I.A. à du Cranberries à du Avril Lavigne à Dr. Dre. Ça passe par tous les styles. Michael Jackson, tout ensemble, on mixe ça, puis ça fait une petite chanson. Génial. T'as oublié Ace of Base. C'est quoi? Oh, that she want. Ouais, je voulais ça, le bout de la carte. She's gone tomorrow. All that you want. Alors, on va enchaîner? Oui, s'il vous plaît. On a du fun! Juste avant que Martine enchaîne, je veux juste dire que le show de Girl Talk à l'Impérial était vraiment visuellement chaud. Les confettis, les rouleaux de papier de toilette qui déroulaient tout le long du spectacle. J'étais sur la scène. J'étais sur la scène et je pouvais voir notre fameux DJ tout trempe et j'ai dansé à n'en perdre toute la sueur, à boire plein de bouteilles d'eau et à me dire comment ce gars-là fait pour être aussi déchaîné même encore jusqu'à la fin du show. C'est vraiment quelque chose... Si vous avez la chance de le voir, parce que je sais qu'il fait beaucoup de festivals, mais si vous avez la chance de le voir en salle, je pense que c'est un plus, parce que dehors, la musique doit se perdre un peu, mais en salle, c'est hallucinant. Puis justement, Martine et moi aussi, on a envie de vous parler de Girl Talk. Oui, on l'a vu à Pop. Non, à Oshiaga. Oui, on l'a vu à Oshiaga. on est pris dans les noms de festivals. On l'a vu à Oshiaga avec Julie Ledoux, qu'on salue d'ailleurs, qui a pas pu être ici ce soir, mais qui est une mélomane finie de Montréal. Bonsoir Julie. Bonsoir Julie. Tout ça pour dire que nous, tu vois, c'était à l'extérieur, c'était dans un festival, fin de journée, on avait passé la journée dehors. Peut-être qu'il y avait l'effet de la fatigue qui a fait qu'on a moins embarqué, mais je sais pas, comme tu dis, peut-être qu'on n'était pas entre quatre murs, l'ambiance s'est perdue un peu. Oui, il y avait les confettis, oui, il y avait le papier de toilette. Il y avait les ballons, tout ça. Mais... Tout était dans le papier de toilette. Ouais. Je pense qu'on était peut-être pas assez proches aussi. Là. Ouais, mais non, c'est ça. Bref, en tout cas, moi, je suis contente de voir que vous avez autant trippé parce que de notre côté, ça a un peu tombé à plat, Girl Talk. Sur une note plus positive. Ouais, ben j'enchaîne avec le mélange de festival parce que je voulais parler de Fever Ray. La chanson que j'ai choisie, c'est I'm Not Done. De l'album du même nom, homonyme, non éponyme. J'ai vu le show de Fever Ray dans le cadre du Festival Pop Montréal avec Sophie. Oui. Et c'est une très belle performance, mais Fever Ray, je trouve, justement, il faut avoir le goût de voir une performance plutôt qu'une chanteuse qui va être proche de son public. On l'a pas vu beaucoup parce qu'elle est très déguisée, c'est très sombre. La salle était complètement noire avec des lumières, des petites lumières de salon là, et un peu partout, anciennes. C'était super beau, les éclairages. Il y a eu beaucoup, beaucoup de lasers. C'était un super beau spectacle. C'est sûr qu'on a moins le contact avec la chanteuse, mais pour une performance vraiment bien réussie, là, Feverish, c'était très bon. Juste seconde, j'étais là et moi, j'étais juste en extase. J'y reviendrai un peu plus tard dans l'émission. Et, ouais, elle vient de la Suède. Oui, aussi. Mais bon, ça, c'est comme tes souliers. On prend le running gag. C'est la même joke deux fois. Hein. Ouais. Parlant de souliers en Suède, Mara Tremblay, c'est vrai qu'elle aussi des souliers en Suède, c'est vrai. Elle les portait pas sur son album. Non. Non, ah, elle portait pas grand-chose sur son album. C'est bon. On fait plus de blagues qu'au début. Hein. Donc, la pièce que j'ai choisie, c'est « Le printemps des amants ». Pièce qui a été choisie par plusieurs d'entre vous. Moi aussi. Préalablement dans le palmarès. De l'album, son quatrième album, Tu m'intimides, et Mara Tremblay, que j'aurai la chance de voir en spectacle le 22 janvier 2010 au Centre culturel de Joliette pour un retour après 6 mois d'arrêt parce qu'elle a une hernie cervicale, discale cervicale. Donc, ça l'empêche de jouer de la guitare, notamment. Ça part du cou jusqu'au coude, jusqu'aux mains. En tout cas, je suis allée faire une recherche sur Internet. Je me suis beaucoup intéressée à cette maladie. Il paraît qu'elle avait un ongle incarné aussi. Oh, Maria! Là, on s'égare. Là, j'aimerais ça qu'on, okay, je qu'on revienne. Saisir. Non, mais tout ça pour dire que ça, c'est un de mes coups de cœur. Du côté francophone, c'est mon coup de cœur. Assurément, c'est vraiment l'artiste que j'ai le plus aimé. J'ai toujours aimé Mara Tremblay, mais vraiment, cet album-là, avec le côté électro, des arrangements plus complexes, à mon sens, vraiment, c'est un album qui m'a surpris beaucoup. Parce que justement, elle a mis de côté un peu le côté folk, le côté plus... Nasillard aussi. Mais tu sais, le troisième album, Les Nouvelles Lunes, était devenu beaucoup plus calme, beaucoup plus accessible aussi. Je me souviens d'avoir entendu ça, entre autres, dans des radios qui ont un autre public cible, pour ne pas en nommer. Et non, mais je disais souvent que c'est un album que j'aurais très bien pu donner à ma mère, qui aime des choses plus calme, plus tranquille, puis elle aurait vraiment bien aimé. Mais cet album-là est loin d'être calme, justement, par le Céline. Côté... Oui, par le côté électro. Alors, je vous invite à aller écouter nos quatre choix. Tout d'abord avec Girl Talk, avec la pièce Still Here de l'album Feed the Animal, à Chérie mes coups de dessus sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Sure to get down, good lord. Baby got them open all over town. Strictly cause you don't play around. Cover much ground, got game by the pound. Getting paid is a forte. Each and every day, true play away. I can't get her out of my mind. I think about the girl all the time. East side to the west side, pushing fat rides, it's no surprise. She got tricks in the stash, stacking up the cash, fast when it comes to the gas. By no means average, it's on when she's got the habits. Baby, you're a perfect 10, I wanna be in. Can I get down so I can do? I like the way you work it, no diggity. I got to bag it up, bag it up. I like the way you work it, no diggity. I got to bag it up, bag it up. I like the way you work it, no diggity. I got to bag it up, bag it up. I like the way you work it, no diggity. I got to bag it up. I pulled in the Nazareth, was feeling about ass man. I just need some place where I can leave my head. Hey, mister, can you tell me where a man might find a man? He just grinned and shook my head. Imitate my flow, then remake my flow. But why they try and take my flow? I make my dough. Hey, yo, I could make it rain cause I be making it snow. But yo, I've been taking it slow, I wasn't around. But the car crash, couldn't lay the hustler down. Nah, I'm still here, for real, I'm still here. It wasn't looking pretty, but Swizzy, I'm still here. They said I could've been brain dead in the wheelchair, but I'm standing in the booth and the skills are still here. Yeah, the hustler home, the hustler home. Let's celebrate a toast with a cup of Patron. I got my drink and my two-step, my drink. Basics, basics. I've been left behind. Sick in skin, sick in skin. venez d'entendre Fever Ray avec la pièce I'm Not Done de son album homonyme. Et avant, on pourrait tous les renommer. Avant, on avait The XX avec la pièce Basic Space de leur album homonyme toujours. Avant, Mara Tremblay avec la pièce Le Printemps des Amants de son quatrième album Tu m'intimides. Et finalement, au début du bloc, on a entendu Girl Talk avec la pièce Still Here de son album Feed the Animal. Tout ça dans le cadre de la rétrospective 2009 à Chérimécoutu en compagnie de Sophie Laforêt, Martine Goulet, Marie-Ève Langlois et Geneviève Dussault. On poursuit avec notre petite introduction pour le prochain la prochaine position. Position 2. J'aime bien la chanson de Ratatat pour présenter cette deuxième position. En ce qui me concerne, les deux, mes top 2 sont de la scène montréalaise. Donc, je suis vraiment très contente de voir que ce qu'on fait au Québec. C'est des groupes anglophones dans mon cas, mais de reconnaître que certains artistes québécois sur la scène anglophone permettent au Québec de rayonner musicalement. Donc, Le groupe que je vous présente, c'est Close en deuxième position. Close qui est composé d'un des fondateurs des Unicorns, Alden Penner, et aussi par un des ex-membres d'Arcade Fire, Brandon Reed. Je les ai vus en spectacle au Cercle cette année. Un spectacle vraiment, vraiment captivant. C'est vraiment un rock qui vient nous chercher. Et je vais prendre les paroles d'Olivier Robillard-Lavaux du Voir parce que la manière dont il a décrit Close, c'est exactement ce que je voulais décrire d'eux. Il décrit Close comme étant des ballades folk acidulées aux envolées rock épiques. La chanson que j'ai choisi de vous présenter, c'est Remember Severed Head. Et c'est un album vraiment, c'est un bijou. Et je suis vraiment très heureuse de pouvoir dire que c'est un album québécois. Mais moi, je vais enchaîner avec un album qui est fait par un duo finlandais-français de Do avec la pièce Tammy, groupe que Sophie Laforêt m'a fait découvrir cette année dans une voiture qui s'en allait à Baie-Saint-Paul. Tu te rappelles, Sophie? Pour la fête de Martine Goulet. Oh! Oui! Ma fête! On est conséquente et cohérente. Ma fête qui a duré un mois. C'est tout. Moi, j'ai choisi Armistice de Phoenix de l'album Wolfgang. Wolfgang! Amadeus Phoenix. Phoenix, pour moi, ça ressemble à rien que j'ai déjà entendu. Et puis, donc, j'ai vraiment accroché sur cet album-là. Et puis, il y a des concerts à emporter très intéressants sur la blogothèque www.blogothèque.net. J'enchaîne? Oui. C'est là que j'enchaîne? Oui, vas-y. De mon côté, ma deuxième position est attribuée à la délicieuse Karen O et sa formation, les Yeyeyes, avec la pièce Soft Shock d'un troisième album qui s'appelle It's Blitz. Que dire? Quand on arrive là aux positions 2 et 1, c'est parce que, écoutez, c'est des albums qui m'ont plu de A à Z en entier. L'approche, la musique, les paroles, le spectacle aussi que j'ai vu à Chicago. C'était la première fois que j'avais la chance de voir les Yeyeyes sur scène. Avec moi. Avec Martine, c'était totalement délicieux. Karen O qui était souriante, attachante, énergique, sensuelle. Je pourrais dire plein d'affaires. Mais tout ça pour dire que... Alors, c'est ça. Je suis sans mots. Si vous voulez compléter, allez-y. Ben moi, je vais peut-être embarquer un peu et compléter sur le spectacle parce que ça, c'est ça, le show d'Ashiaga, c'était vraiment bon, mais c'est surtout pour les yeyeye que moi, j'y allais. Et puis, Karen O, elle m'a vraiment surpris parce que je m'attendais pas à ça. Je connaissais un peu rock, mais de la voir aussi avec son côté enfant aussi développé, puis il y a des moments qu'elle tend son micro vers le ciel pour écouter la salle ou pour écouter le monde applaudir, puis elle sourit tellement qu'elle reçoit du public, puis elle est tellement cute dans tout ce côté-là d'elle. Fait que c'était toute une belle combinaison entre le côté plus rock de Karen O puis son côté enfant. Puis ses costumes, elle a beaucoup de costumes aussi qui font un peu autochtones là, pour rejoindre un peu Fevery dans le style. Là. Mais c'est ça. Je me permets de compléter parce que moi, j'ai vu Yeyeyes en spectacle sur les Plaines d'Abraham à Québec. Probablement un des spectacles les plus, si je me permets l'expression, awkward que j'ai vu de ma vie, en ce sens où elle faisait la première partie de Sting. Et faut comprendre que le public cible pour Sting n'est pas nécessairement le même que celui pour Yeyeyes. Mais... je voulais voir ce spectacle, que le public soit cible soit le bon ou pas. Et c'était la première fois que j'avais la chance de la voir. Donc, j'ai créé ma bulle autour d'elle. Et tout le long du show, je me demandais si c'était des tatous sur ses jambes ou si c'était des collants. Elle a vraiment des déguisements qui attirent l'attention, a une présence de scène qui est exceptionnelle. Puis, je peux dire que mon coup de cœur a été vraiment au moment où elle a joué sa dernière chanson pour nous ramener dans ses albums avec un rock un peu plus trash quand elle a joué Date with the Night. Et je peux vous dire, mesdames et messieurs qui m'écoutez, que la foule autour de moi qui était venue voir Sting ont pas trop compris ce que c'est de trasher sur une chanson. Mais je me suis fait une espèce de mosh pit de 2-3 mètres de circonférence. Puis les gens ne voulaient pas entrer dans cet espace. Mais ça a été vraiment... Moi, j'ai vécu un beau moment musical, malgré que la foule n'était pas nécessairement vue pour voir ça. Puis, est-ce que tu penses qu'elle a réussi à charmer les gens qui étaient là pour Sting? Bien, c'est sûr qu'il y a plusieurs chansons qui étaient accessibles, mm-hmm. puis qu'il y a certaines chansons qu'il y a des gens qui ont fait « Ah, j'ai découvert quelque chose là », mais il y en a d'autres que c'est sûr que non. Mais pour répondre à ta question, oui, il y a certaines personnes qui ont dû découvrir une artiste extraordinaire. Mais très attachante aussi. Très attachante. Mm-hmm. Si on pense à des pièces peut-être plus accessibles, plus comme mettons Gold Lion qui est plus Maps pop, aussi. Maps, Soft Shock justement qui est la pièce que j'ai choisie, qui est une des pièces qui est plus tranquille de ce dernier album-là, parce que je pense qu'elle est capable justement maintenant, puis en plus sur l'album dont il est question, It's Blitz, elle a gardé l'espace, ben l'espace, mm-hmm. elle a mis 4 pièces acoustiques, mm-hmm. donc ça aussi c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu de Kereno, puis en plus comme tu disais tantôt avec la trame sonore du film Where the Wild Things Are, on a tout vu, on a vu vraiment un autre côté, l'envers de la médaille de Kereno qui pouvait être à la fois plus sensible et qui pouvait se prêter à un mm-hmm. style plus acoustique. Ça a été bien, bien apprécié de mon côté et du vôtre. Effectivement. Assurément. Sur ces belles paroles, on va aller entendre le premier choix de Geneviève, tout d'abord Clues, et suivra ensuite de Do, ensuite Phoenix et finalement Yayayez à l'émission Chère Mikoutu sur les ondes de Cifou. 89.1 FM. Thank you. It's time to fall on, not to heat it up. The quest on this plane is a propeller in the middle of the coast. When ambitions are low, head on close, hang on before you.